Allez, viens là, pousse-toi sur le bouquin. Allez, qu'est-ce qu'il y a sur le bouquin? Pas vrai, ça va bien. Allez.